Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on est jeune. Et maintenant, voici les tops de l'insolite. Eh oui, j'avais oublié d'allumer mon micro. Eh bien, on vient d'entendre, juste avant, America de Simon & Garfunkel. Et donc, la pièce, non pas la pièce, mais les tops de l'insolite ce matin, qui concerne en fait des choses incroyables qui sont arrivées, qui avaient été prédites. En fait, certaines qui ont été prévues et des coïncidences aussi vraiment géniales. Sur plusieurs sujets, on commence tout de suite avec une prédiction d'Edgar Allan Poe qui est quand même assez terrible, assez incroyable. Donc, en 1883, Edgar Allan Poe lance un livre qui se nomme « The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket », qui est une nouvelle. En fait, ça a toujours été pas mal le format d'Edgar Allan Poe, la nouvelle. Et c'est un livre quand même assez... non pas méchant, mais assez morbide. Puisqu'il présente en fait une scène dans ce livre un bateau est perdu dans la mer et il y a quatre personnes là-dessus et il n'y avait plus vraiment de bouffe, donc les gens devaient manger. Et qu'est-ce qui est arrivé en fait, c'est qu'on a dû choisir quelqu'un à manger. C'était un jeune garçon, cabin boy, donc un garçon de cabine qui a été dégusté par les autres pour pouvoir survivre, mais c'est quand même assez dégueu. Mais bon, ce garçon-là se nommait Richard Parker. Et donc, 46 ans plus tard, il y a eu un vrai désastre parce que Poe disait que c'était une vraie histoire inspirée de faits vécus, mais en fait, ça ne l'était pas. Et il y a eu un désastre 46 ans plus tard qui en fait, il y avait un problème donc, de bateau. Le bateau se nommait la Mignonette. Et c'est devenu... fameux à cause d'un problème légal qu'il y a eu en fait pour certaines personnes sur le bateau, puisque donc il n'y avait plus vraiment d'argent, plus vraiment de bouffe sur le bateau lorsqu'il s'est perdu en mer, et ils ont décidé de manger un garçon de cabine dont le nom était Richard Parker. Incroyable, n'est-ce pas? Et c'était pas inspiré de la nouvelle de Poe, là. C'était vraiment des coïncidences incroyables. Le gars, ça se nommait du même nom que le personnage de Edgar Allan Poe, faisait la même fonction sur le bateau. C'est également un bateau qui s'est perdu en mer, qui avait plus de bouffe. C'est assez fou. Merci. Et si vous trouvez ça fou, eh bien, ça peut continuer. Puisque en numéro 5, en fait, on a Morgan Robertson qui écrit à propos du Titanic 14 ans avant que ça arrive. Et oui, c'est un livre, en fait, c'est à peu près 100 ans même avant que James Cameron agisse en petit, en roi du monde aux Oscars, donc bien sûr, lors de l'année Titanic. Et donc, ça a été écrit, en fait, le livre se nommait The Wreck of the Titan ou Futilité. C'était Morgan Robertson qui a fait paraître ce livre-là, en fin des années 1800. Et c'est quand même un livre assez... assez incroyable puisque ça raconte pas mal les mêmes affaires. Ça a été publié en 1898, donc 14 ans avant que le Titanic tombe. Et les similarités entre le livre de Robertson et le Titanic, en fait, sont assez incroyables. Entre autres, c'était la White Star Line qui bâtit le Titan. Le Titan est le plus grand bateau au monde également, comme le Titanic l'était. Et c'est l'égalité d'un hôtel de première classe et, bien sûr, insubmersible, hein, comme le Titanic. Et donc, les deux bateaux sont des bateaux faits en Angleterre, qui sont 800 pieds de long, et ils vont également couler à leur premier voyage après avoir rentré dans un iceberg dans les alentours de minuit. C'est vraiment génial. Et le livre a été républié, bien sûr, en 1912, par la suite de la tragédie du Titanic. Mais ce qui est vraiment la plus folle là-dedans, c'est ce qui est vraiment la plus incroyable, la chose la plus débile, en fait, c'est que dans ce livre, il y a encore plus de coïncidences avec le désastre du Titanic. Mais il y a quelque chose qui sont arrivés qui n'ont pas été vraiment incroyables. Non, pas vraiment incroyables. Des choses qui ont été ratées, en fait, par Robertson, dont, entre autres, le Titanic n'a pas crashé à 400 000 de la Terre-Neuve à 25 nœuds. Il a crashé à 400 000 dans un iceberg. Donc, 400, oui, il a crashé à 400 000 de Terre-Neuve, mais pas à 25 nœuds, à 22,5 nœuds. Robertson était à côté de la traque de 2,5 nœuds, mais exactement au même endroit écrit dans le livre, le Titanic s'est abîmé. Donc, c'est vraiment incroyable. Ça a été écrit bien avant. Je pense pas vraiment qu'on ait risqué la vie de plusieurs personnes, tout simplement, pour rendre cette histoire vraie. Donc, c'est vraiment ce qui est vraiment génial et qui en fait, ça peut lever le bras de ses épaules. Hein, le bras de ses épaules. Le poil de ses bras. Le bras de ses épaules, si je lève ma main dans les airs, mais ça fait pas grand-chose. Au numéro 4 maintenant, le setup de l'insolite, des coïncidences les plus incroyables qu'on a. Et on défonce, hein, ça va. Sophie Laforêt va être pressée dans le temps, mais c'est assez incroyable comme histoire, ça vaut la peine. Donc, la guerre civile américaine qui trouve tout le temps Wilmer McLean. Eh bien, donc, Wilmer McLean, en fait, qui était donc un petit paysan tranquille, qui n'avait pas nécessairement d'opinion par rapport à cette guerre, mais lui, donc, restait donc à Virginia, dans la ville de près de Manassas, plutôt. Donc, il y avait une ferme. Et la bataille de Bull Run, qui est une des toutes premières batailles de cette guerre civile, a eu lieu littéralement sur son jardin, en avant de chez eux, dans le fond. Entre autres, il y a eu sa cheminée, qui a été détruite par un boulet de canon. C'était la guerre qui allait. C'est la guerre qui continuait tout le temps. Dans son coin, il a décidé de se déplacer dans un autre état. Puisque ça n'arrêtait pas, dans le fond. Entre autres, il y a eu une autre bataille de Bull Run un petit peu plus tard. Donc, là, il a dit, là, je t'annais, je m'en vais. Il a décidé de s'en aller tout simplement à Clover Hill, en Virginie, toujours, mais un peu plus loin, où il n'y avait pas vraiment de guerre. En 1865, je vous rappelle que lui, il y a eu devant chez lui la première guerre, non pas la première guerre, mais la première bataille de la guerre de sécession. La guerre civile, plutôt, dans sa cour, tout simplement, en avant de chez lui. Il décide de changer de place. Et en 1865, donc, son armée, l'armée du Nord des Invincibles de Robert E. Lee, continue à poursuivre donc l'armée du général Ulysses S. Grant. Il continue à se battre, bien sûr. Et le 9 avril 1865, le général Lee, bien sûr, le nom de la voiture dans les Duke of Hazzard, décide donc de remettre les armes à Ulysses S. Grant. Et devinez où est-ce que c'est arrivé? Eh oui, devant la maison de Wilmer McLean, sa nouvelle maison dans la Virginie. Donc, ce gars-là a connu la première bataille de la guerre civile et la fin, dans le fond, de la guerre directement devant chez eux. Et c'est vraiment des coïncidences incroyables, donc, dans ce cas-là. Par la suite, numéro 3 des coïncidences les plus débiles qu'on a jamais vues dans l'histoire, en fait, c'est l'Ohio qui est pleine d'astronautes. Et oui, et vraiment, il y a un pourcentage d'astronautes qui est vraiment génial, qui vient de l'Ohio. Entre autres, les premiers aviateurs qui ont créé, en fait, les frères Wright, bien sûr, qui ont créé le premier avion à faire le premier vol, en fait, habité en 1903, venaient de l'Ohio. Et oui, donc, ils sont nés là. Et par la suite, en 59 ans plus tard, en fait, un autre gars qui vient de l'Ohio, en fait, en tant que le gouvernement cherchait des gens pour réaliser un projet, en fait, les envoyer dans l'espace. Il a dit, bon, ben, je vais le faire, tu sais, dans le fond, j'ai rien d'autre de bon à faire. Ce gars-là venait d'Ohio et son nom, John Glenn, donc le tout premier gars à aller en orbite, John Glenn, venait également de l'Ohio. Où ça devient encore plus bizarre, en fait, c'est que John Glenn était, bien sûr, donc les Wright et John Glenn venaient de là. Mais est-ce qu'il y en a plus? Oui, il y a plus de gens, entre autres Neil Armstrong qui vient de l'Ohio, également Jim Lovell qui vient de l'Ohio, Jim Lovell qui était le chef d'Apollo 13, entre autres, qui avait été interprété par Tom Hanks dans le film du même nom. Par la suite, numéro 2, on a la Freak Luck pendant la bataille de Midway. En fait, c'est une chance incroyable qu'il y a eu. C'est l'escadron du lieutenant commandant, du commandant, oui, C. Wade McCaskley Jr., qui se sont perdus pendant la bataille de Midway. En fait, il y a eu une bataille décisive pour les États-Unis et où ils ont mangé la claque. Lui s'est perdu, en fait, au-dessus de l'océan, commençait à manquer de gaz, bien sûr, commençait à manquer d'essence et cherchait également la flotte ennemie qu'il n'arrivait pas à trouver. Il a finalement réussi à trouver cette fameuse cette fameuse flotte. Il a trouvé quelques bateaux, en fait, alors que l'entièreté de la flotte aéroportée américaine venait de se faire descendre littéralement. Il y a simplement lui et quelques-uns de ses comparses qui s'étaient perdus, qui ont réussi à se retrouver. Et ils ont réussi donc à flanquer une volée à ce qui restait donc de l'armée, non pas de l'armée, mais des forces qui étaient présentes donc dans cette fameuse bataille en se perdant. Donc c'est vraiment génial, c'est une coïncidence. Ils se sont perdus, ont réussi à la retrouver et aussi tout simplement en se battant, en les battant aussi d'une façon ou d'une autre. Et le numéro un, vraiment la chose la plus spéciale qu'on peut retrouver dans les coïncidences les plus folles, c'est la fameuse ce qui arrive le 4 juillet en fait. C'est les fameuses morts du 4 juillet. Donc, le 4 juillet, qui est bien sûr la date décidée pour la déclaration de l'indépendance, bien que ça ne soit pas arrivé vraiment cette journée-là, on a décidé quand même de mettre cette journée-là. Tout simplement pour que ça soit symbolique. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que John Adams, qui est un des premiers présidents, en fait le deuxième président des États-Unis, décède le 4 juillet 1826, donc 50 ans après que l'Amérique soit née, en fait selon cette fameuse date plus ou moins officielle. Et juste avant de mourir, John Adams dit « Thomas Jefferson va survivre ». Thomas Jefferson qui également avait été président des États-Unis pendant une période. Et il devait prendre en fait les tâches de la Maison-Blanche. Juste après Adams. Et il a dit « il va encore être là pour moi ». Ce qu'il savait pas, en fait, John Adams, lorsqu'il a dit ça, c'est que Thomas Jefferson venait de mourir la même journée, le 4 juillet. Donc, les deux sont morts. Deux présidents américains sont décédés le 4 juillet 1826, 50 ans après la fin de 50 ans après l'Union. Dans le fond, ils sont décédés le 4 juillet 1826. Et il y a eu deux présidents qui sont décédés. Entre autres, le cinquième président, James Monroe, est décédé également le 4 juillet 1831. Ça fait trois des premiers cinq présidents à décéder. Ça n'arrête pas. Et entre autres, le 4 juillet, il y a aussi la bataille de Gettysburg qui a eu lieu, qui est la plus grosse. La bataille, en fait, charnière de la guerre civile qui a eu lieu également le 4 juillet. Ça s'est terminé. En fait, cette guerre-là également s'est terminée le 4 juillet 1863. Ça n'a pas arrêté. Et là, les carreaux d'être embarquent parce que ça fait longtemps que je parle, mais on a fini. Donc, c'était les carreaux d'être des coïncidences les plus folles qu'on ne veut pas retrouver. Je suis tellement subjugué que peut-être parfois j'ai peut-être mal amené ça. J'espère que non. J'espère que c'était quand même pas pire. C'est vraiment génial. Ça nous venait de crack.com, donc ce top 6 des coïncidences les plus folles que vous avez jamais entendues de vos vies. On s'appelle et on déjeune de 7h à 9h le matin du job job out. On s'appelle et on déjeune le matin. On s'appelle et on déjeune le matin du. On s'appelle et on déjeune, c'est d'ADEC. On s'appelle et on déjeune, c'est de l'actualité nationale et écutérienne, de l'insolite, des chroniques, de la musique émergente et une dose de bon sens. Sans frais cachés et sans contrat, encore mieux, c'est gratuit. On s'appelle et on déjeune tous les matins du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR.